Au petit jour, dans un café, flipper jukebox, machine à sous. Je suis parti sans m'en douter sur le chemin des rêves fous. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer, autour de moi, sous les néons, j'ai vu passer de blancs nuages. Dans un vent frais de goémons, j'ai vu sourire tous les visages. Tous les visages de ce café, flipper jukebox, machine à sous, qui découvrait le ciel d'été suivant le vol des oiseaux fous. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer. Sur les peintures du plafond se dessinait un paysage. J'ai cru entendre une chanson au rythme bleu d'une eau sans âge. Quand le faux marbre de ma table est devenu carte marine, je me suis vu nu sur le sable, je découvrais mes origines. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer.